クリークアンダーラインシーンウネプラポジションで BHCK UN デマンチサードで 18H30-20H-30-node.org L1 重音用譜ヒストリーでラミュージック、ク1重音用譜エルソイトポップ OU プラス等重、エストコンポージー D1 重音用譜ネーガレリーでパースネッチズパーファズエトレインジズ、クイ N1 重音用譜オント PAS ブルジャワール重。ILS OUEU オントリジストオントパーファズディスパルでレーダーズメッシュオントプロダイトオネオウブルクイチ重音用譜 ILS とテンプスでリデコーブリルフリークアンダーラインシーンアウブルレスタイロアーズ ETSE ペンチサーセズアーティストセズラベルズセズコミュノーツ EN フェーザントーネラージパート AL1 重音用フイカウトアベクでインバイト ES デレアタスクイパーメットロントでコルマタレストラスデュウォールオブフェイ。 Eh bien, merci beaucoup Kevin pour cette intro. Merci à Marc qui assure la technique aujourd'hui. Donc on est à la générale, c'est un plaisir de commencer cette série d'émissions de Frixin qui se déroule en direct des studios, du Stupidio de la générale et de Pinode pour inviter des amis, des alliés, des personnes proches et à qui je demande de bien vouloir se prêter au jeu de la carte blanche musicale. C'est toujours un peu de l'intimité aussi qu'on dévoile à travers un choix de morceaux. Donc merci beaucoup Nicolas Peduzzi d'avoir accepté cette invitation un peu freestyle qui nous fait très très plaisir. On a improvisé il y a quelques minutes le déroulé de l'émission, donc on va essayer de profiter de cette énergie aussi commune. Enfin, je te laisse dire bonjour simplement. Ah, bonjour, merci de me recevoir. Et c'est vrai que c'était assez freestyle dans le choix des musiques, mais finalement j'espère que tu vas bien aimer, Benoît. Oh bah c'est choisi. Non, j'aimerais ne pas tout aimer. Ça me ferait plaisir qu'on puisse aussi en parler. Ouais, c'est aussi l'intérêt d'une carte blanche, c'est que c'est un vrai choix de ta part, et puis on va en parler à chaque fois. Peut-être juste préciser quand même que donc tu es cinéaste. L'un de tes films les plus récents, qui s'appelle État limite, vient d'être diffusé sur Arte. Il est disponible encore sur le site d'Arte pendant quelques temps avant sa sortie en salle, qui a une date précise. Le 1er mai. Ton film État limite sera visible dans les salles. Et effectivement, comme Kevin le soulignait, il y a une cohérence dans la programmation de cet après-midi, puisque le programme d'après, à 19h30, va concerner aussi le champ de la psychiatrie et peut-être aussi ses liens avec l'art et la culture. Donc peut-être que les personnes qui nous font le plaisir d'être à l'écoute pourront enchaîner, peut-être même venir à la générale et elles le peuvent. Alors peut-être on va pas être trop bavard, on va simplement, pour commencer peut-être Nicolas, qu'est-ce qui t'a guidé dans le choix des morceaux de façon un peu générale quand on te dit tiens, tu as une carte blanche musicale, un, tu paniques, deux, t'en as envie, trois, tu choisis des morceaux que tu avais envie de faire écouter à des mélomanes, ou tu préfères faire découvrir des choses qui te sont intimement liées. C'est quoi le chemin qui t'a guidé en fait avec ce choix? Bah, c'est souvent les flashs que j'ai pour les musiques qui m'inspirent, c'est souvent des musiques que j'ai vues avant d'entendre. C'est souvent des musiques qui viennent de films ou des musiques qui sont liées ou qui ont un rapport avec un voyage. Là, je me rends compte qu'il y a énormément de musique dans le choix que j'ai fait, et c'était peut-être pas voulu, mais voilà, c'est comme ça. Qui viennent du sud des États-Unis, donc de Houston. Et Houston, c'est l'endroit où j'ai fait un documentaire assez musical aussi. Et j'ai rencontré là-bas des musiciens, et j'avais envie de partager ça ici, qui sont quand même assez. Il n'y a pas que des musiciens du Sud, mais là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est assez centré sur le Sud des États-Unis. Après, il y a deux, trois autres artistes parisiens ou autres que j'aime beaucoup. Voilà. Mais c'est plutôt des musiques que j'écoute en ce moment. Eh ben on va peut-être simplement commencer par le commencement, par le début. On en parle avant ou après, comme tu veux. Écoute, juste pour introduire, c'est UGK, c'est un groupe de Port Arthur. Ils sont de la même ville que Janis Joplin. C'est assez marrant, et c'est du hip-hop, mais c'est un hip-hop qui mélange un peu du blues, la country, folk et né dans le début des années 90. Et UGK, c'est un groupe qui était très local au départ et qui est devenu connu après quoi, dans le reste des États-Unis. Donc je vous laisse écouter. One day you hear, and then you're gone. Well, well, well. Yeah, yeah, yeah. I know. So I start selling crack cocaine and codeine. Time to stack some paper, I gotta do it. Quit thinking I'm a juvenile, but they don't know who they messing with. Yeah, my mama's only son, but I live every day like it's my motherfucking last one. Every nigga in they mama asking why, but I'm in the game, live by the game, and in the game I'ma die. And if I die, or should I say, if I go, bury me in Horn Clark next to the come and go. Cause tomorrow ain't promised to me. The only thing promised to a player is the penitentiary. So I'ma take care of my business on the smooth tip. Watch my back selling crack and pack two clips. And when you think about that, you say, it'll be on, it's a trip you're here today. But the next day you're gone. One day. Now it look like when he come out, man, I'm going in. So shit, I walk around with my mind blown in my own fucking zone. Cause one day you're here, the next day you're gone. Early, cause ain't enough light in the daytime. Smoke two sweets and so these chickens fold the clock like nine. Big nut holder, my boulder, smoker on the PA pipes. AK loader as I get swallowed under city lights. Niggas be looking shife, so I look shife back. Can't show no weakness with these bitches, get your life jacked. Man, it's a trip where I stay, especially for me. Them bitches trying to lock me up for the whole century. They gave my nigga Donnie 40, Dante 19. I wish that we could smoke again and take a tight lean. My world a trip, you can ask Bumby, bitch, I ain't no liar. My man Bobo just lost his baby in a house fire. And when I got on my knees that night to pray, I asked God, why you let these killers live and take my homeboy's son away? Man, if you got kids, show them you love them, cause God just might call them home. Cause one day they here, and baby, the next day they gone. This is Gypsy. I'ma tell you something right now. Stand. Don't give up. Keep going. Don't stop. You got a dream. Look up ahead. Look up, look up, look up and stand. I'm still standing. I'm here to knock down barricades, shade so deep, the way they blocking my shine, but I'm bout mine. I never been afraid of the grind. When I fall down, I get back up and climb. I find a way to overcome and persevere every time. I got the spirit of a go-getter, I'll never quit. Pockets forever thick, cause I stay on my grit. Getting all I can get, remain stiff, the game slick. Watch out, they'll turn on you quick, but powwow is still standing. Alors voilà, c'est un début de Freaksine assez South America. On commence de façon assez languide et assez ouais, c'est un son assez particulier, assez ouaté. Et tu, quand le morceau est en train de jouer, tu évoquais cette spécificité de ce son du sud américain. Et toi, tu l'as découvert sur place ou tu l'as découvert comment? Ouais, et surtout je me rends compte que c'est un son qu'il faut un peu écouter sous influence. Bon, après ça veut pas dire, c'est un son qu'il faut écouter sous influence, après ça veut pas dire forcément des drogues, mais il faut être un peu embrumé peut-être par la chaleur, par la moiteur de la ville du sud des États-Unis. Mais je voulais commencer un peu te donner des sons un peu en douceur, tout en douceur, un peu blues, soul, hip-hop. Et j'ai rencontré Paul Wall, c'était à Houston pareil, c'est un des seuls rappeurs de Houston blanc en fait, qui était un pizzaïolo à la base et qui a vraiment intégré, qui a été quand même très accepté dans la scène afro-américaine de Houston. Houston qui est une ville assez ségrégée, et lui c'est comme un peu le Eminem du sud quoi. Ah ouais. Et alors, peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas ton travail, on va rappeler quand même à toutes fins utiles que ton film Ghost Song se déroulait à Houston et qu'effectivement, c'est une ville que tu connais très très bien. Ton film Ghost Song comporte un personnage que peut-être on va écouter ce soir aussi, Blood Bass, qui a un son encore plus, encore sous un autre type d'influence. Et c'est intéressant peut-être en début d'émission comme ça de relever toutes les différences de texture musicale au gré aussi de la géographie. C'est ce qu'on va faire un peu tout au long de l'émission. Et donc on voulait enchaîner avec mais on va passer maintenant à un morceau. Alors là pour le coup, c'est pour moi c'est l'inconnu total, et je te remercie pour ça parce que ça me permet de découvrir Kamal Williams avec un morceau qui s'appelle Pigalle. Donc tu étais en train de me dire que c'est un artiste qui vient plutôt de Londres et qui a écrit ce morceau. Alors quoi, en hommage à Pigalle, enfin, qu'est-ce qui te... Un hommage au quartier Pigalle, je pense qu'en hommage surtout à un terrain de basket à Pigalle. Kamal Williams, c'est un type que j'avais croisé dans des soirées, des concerts. Et, j'avais vu jouer, j'aimais bien sa musique et il était devenu ami avec des amis. Parce que moi, je suis né à Pigalle, dans le quartier. Après, je suis parti tôt aux États-Unis, mais je sais qu'il avait écrit ce morceau. Il l'avait dit à un de mes amis qu'il avait écrit ce morceau en regardant des jeunes jouer au basket à Pigalle. Thank you. parle de jazz, mec. Merci à Marc pour cette surprise. Morceau absolument génial de Charles Mingus. Comment t'as découvert Charles Mingus, toi, Nico ? Eh ben, j'ai découvert un peu comme toutes les musiques que j'aime bien en regardant un film. C'était un documentaire sur sa vie. Et tu peux nous dire le titre ? C'est... Non, j'ai oublié. Non, c'est un documentaire sur sa vie. C'est... Je pense qu'il est en fin de vie. On le voit, il est tout le temps avec sa petite fille qui lui sert des whisky dans un bar. Il est assez fou, ce documentaire. Je te dirais, il s'appelle Mingus, je crois. Le documentaire, c'est un truc qui a été fait pour la télé, j'ai l'impression. Et c'est comme ça que ça m'a donné envie d'écouter. Et c'est vrai que c'est un des musiciens de jazz que je trouve qu'on peut écouter aujourd'hui et se dire, t'as presque l'impression d'écouter de la musique électronique. Enfin, il y a un truc très, très intemporel, quoi, contemporain, qui frappe, en fait. Ouais, on en parlait avec Marc, qui assure la technique de l'émission sur... Pas du tout. Sur le non mais sur la enfin ce que nous on considère en tout cas avec Nicolas comme la force intemporelle et toujours agissante du jazz même quand on l'écoute enfin aujourd'hui effectivement il faut se remettre dans le contexte aussi du free jazz et de tout ce que cette scène là a pu apporter. À l'époque c'était un peu la musique de boomer. Attends, Marc, c'était la scène punk la scène punk de l'époque, il faut vraiment se remettre dans le contexte d'une société américaine très ségrégée où les gens étaient assez séparés. Et ces musiciens-là, dont Mingus, Coltrane, etc., font partie, Coleman un peu plus tard, c'était vraiment, sans tout décaler, mais il y avait une force de sédition et une force de transgression qui était super forte. Et on pouvait ne voir ces gens-là que dans des contextes très, très spécifiques. Et je repense au film assez particulier quand même sur Thelonious Monk. Ah ouais, qui replace ce studio est en train d'exploser. Je sais pas si tu as vu ce film là. Je l'ai pas encore vu celui-là. Où on voyait Thelonious Monk, ça on comparait forcément Mingus et Monk, mais quand même dans un contexte parisien, la salle Playel où il racontait qu'il avait été un peu considéré comme le musicien afro-américain entre guillemets de service. Comme ça, devant lesquels les gens dans les années 60-70 étaient extrêmement, dont ils étaient extrêmement friands, mais il avait un peu le sentiment, et c'est ce qu'il raconte dans le film, d'être un peu le. Utilisé quoi. Utilisé, voilà, c'est un peu le mot. Donc je trouve qu'il y a quand même ce truc par rapport au jazz de cette époque-là qui perdure dans l'espèce de position sur la carte musicale, quoi. Et effectivement, enfin. Musique de vétérinaire ou de dentiste, d'accord, mais il y a quand même ce truc qui reste intemporel, quoi. Justement, moi, Mingus, c'est un... Non, mais Mingus, en plus, vraiment, je l'ai mis parce que c'est un des musiciens de jazz qu'aujourd'hui, je peux écouter vraiment et je le mets au même niveau que des trucs très modernes que j'ai... Enfin, pour moi, il n'a vraiment pas vieilli, quoi. Et même aujourd'hui, tu peux te... Alors que plein d'autres trucs de jazz, de temps en temps, tu as l'impression que c'est des musiques d'ascenseur. Ouais. Celui-là, il y a un truc qui dépasse, qui transcende ça. Non, puis il y a la longueur des morceaux, il y a une forme d'âpreté aussi qu'on peut déceler. Hier, j'étais dans un festival de cinéma à Saint-Denis et il y avait un film... d'un auteur afro-américain, peu importe, et le générique de fin était composé du In a Silent Way de Miles Davis, encore un musicien très différent, et j'étais saisi, enfin je me suis rendu compte que j'avais les poils, comme on dit, devant la mais devant la beauté intemporelle et devant la radicalité aussi de ce morceau, ouais, et ça m'a donné envie, et ce qu'on vient d'entendre ensemble et ce morceau m'ont donné envie de replonger dans toute cette bassine jazz de cette époque-là, en ayant en tête aussi la particularité très radicale en fait, révolutionnaire ouais. Que ça pouvait aussi représenter à l'époque. Et j'espère que le choix qui vient maintenant de Oko et Bombo, j'espère pour lui qu'il sera aussi sur une carte musicale comme ça, un peu de la radicalité à sa manière, sous des aspects aussi un peu smooth, comme ça, un peu soul. Est-ce que tu nous dirais un tout petit mot de cet artiste que je crois tu connais et qui s'est produit il y a quelques jours dans un endroit parisien qui est aussi assez compliqué, mais enfin la Bourse de Commerce. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire, simplement comment tu l'as rencontré et puis un mot sur ce morceau. Oko et Bombo, c'est un musicien qui vient de la danse c'est un ami, on faisait partie un peu d'une même bande de potes il y a une dizaine d'années, et il était c'est un mec hyper freestyle qui a commencé à chanter assez tard, en fait. Plutôt, il commence avec la danse, l'art contemporain, etc. Et on a fait un peu les 400 coups ensemble à une époque, et je me souviens d'un moment où il partait en a cappella freestyle dans la rue de danse, et du coup j'ai continué à le suivre, et voilà. Donc, je vous laisse écouter. Masanga ebungisaka makambote, masanga ebungisaka makambote, mawa ezali na motema na yo, mawa ezali na motema na yo, tozali na mbola, tozali na sengo, ekozala ndenge tozali. Koyoka soni te, koyoka soni te, komitungisa te, komitungisa te. Thank you. Voilà, donc c'était Oko et Bembo qui s'est produit il y a quelques jours à la Bourse de commerce. Et je m'étais interrogé sur, quand on est un artiste émergent, ce que c'est de jouer dans cet endroit-là. Enfin, ce que ça désigne aussi comme carrière. Il y a des artistes comme ça qui jouent, qui sont assez rapidement cultes, qui jouent dans cet endroit. Voilà, on peut avoir un avis sur la question, mais en tout cas, on lui souhaite beaucoup de succès. Je ne sais pas comment qualifier cette musique. C'est une espèce de soul contemporaine assez chic, tout en venant, comme tu disais, d'un contexte peut-être socioculturel assez particulier, quoi. Ouais, c'est lui ce qu'il dit. Moi, je racontais un peu ce qu'il dit, c'est qu'il est influencé pas mal par plein de genres différents, un peu de la rumba congolaise, d'autres types de musique, David Bowie. Il raconte à un moment qu'il était dans la rue en train de faire un a cappella et qu'à un moment, il y a David Bowie qui lui a dit What a Shadow. Et c'est comme ça que lui est venu, par hasard, hein, complètement dans la rue, c'est comme ça que lui est venu son titre Black Bowie. Et ouais, j'aime beaucoup sa musique. Et il avait fait un autre truc qui s'appelait Naked Life, un autre son qui l'a rendu un peu plus. Qui était un peu plus identifié. Et c'est vrai que là, la Bourse du commerce, à chaque fois, on avait été à un concert et on découvre des groupes assez étonnants et différents. Il faut rendre hommage, ou en tout cas justice au programmateur Cyrus qui fait un travail de défricheur dans cet endroit qui n'est pas forcément un lieu de musique. Et là, donc on va revenir un peu à Houston. C'est une ville que tu connais bien pour l'avoir filmée, pour y avoir vécu, pour avoir vécu plein d'aventures. Effectivement, le rap et cette musique-là font partie du contexte culturel, mais ce n'est pas que culturel. Il y a un grésillement, Marc, je ne sais pas. Ouais. C'est la vie est faite de grésillement. Voilà. Ouais, bah, et donc, Bear Baby, quoi, et donc c'est un morceau d'un artiste qui s'appelle Big Mo, qui a été associé à Ronetta, alors je n'arrive pas à me dire. Big Mo, tu ne l'as pas. Big Mo, de Bar Baby. Bah, Bar Baby, c'est toujours une référence au bar, donc au Xanax de Houston. Et Houston, c'est quand même une ville du sud des États-Unis qui était très répressive. Et donc, les peines de prison qu'on pouvait subir pour possession de drogue comme cocaïne ou autre étaient de 50 vers 60 ans. Donc, les gens dans la musique underground un peu trouvaient des superfuges et se défoncer en gros avec du Xanax, de la codéine, etc. Et Bar Baby, Bar, c'est le Xanax. Et malheureusement, ils sont tous morts, donc très jeunes, tous ces artistes. Mais voilà, il y a un truc qui a influencé beaucoup la musique de là-bas, qui fait qu'ils avaient un son plus ralenti, un peu plus punk, beaucoup plus indépendant finalement que le reste de la scène hip-hop des États-Unis. Ils pouvaient freestyler sur des mixtapes, ça pouvait durer 7 minutes. Il y a un truc très très indépendant, assez punk finalement dans ce type de hip-hop. Et on pourrait peut-être évoquer aussi le morceau qui va suivre, comme ça fait un peu le combo Drug Addict de Houston avec le morceau de OMB, Bloodbath, qui est donc l'héroïne, l'une des deux héroïnes en fait de ton film Ghost Song, qu'on suit vraiment dans ses aventures qui sont assez bariolées, quoi, parce qu'elle est confrontée à beaucoup de péripéties, et ton film la suit dans ses péripéties avec une forme d'efficacité. On est assez stupéfait devant tout ce qu'elle est amenée à vivre, et c'est surtout une musicienne de talent, mais alors dont le talent est un peu empêché par des séjours assez réguliers en prison. Est-ce que tu pourrais, alors en quelques mots, même si tu es extrêmement habitué à parler de ça, mais ta rencontre avec elle, et puis peut-être au-delà de ta rencontre avec elle, ta rencontre avec sa musique, parce que je t'ai beaucoup écouté lorsque tu parlais du film et de Bloodbath, mais moins sur ce que tu éprouves en fait quand tu écoutes sa musique. Bah écoute, moi, sa musique en général, j'étais pas forcément au début tout de suite conquis, parce que j'aime bien beaucoup la musique le hip-hop des années 90 de Houston, dont Bar Baby et tout ça. Mais elle vient du même quartier que Big Mo, Third World. Il y a même une musique où il dit ça, de Third World Baby. Et je l'ai rencontré par hasard dans ce quartier-là, parce que j'étais allé voir le house, l'endroit où ils vendent encore les vinyles de DJ Screw. DJ Screw, c'est une des figures là-bas, mythique, culte, presque une légende de Houston. Et par hasard, je me baladais dans ce quartier, je rencontre Bloodbath. J'étais interpellé par la musique qu'elle était en train de jouer. Et en fait, ouais, c'est une descendante directe de tout ça. Après, ça ressemble plus à de la trap d'aujourd'hui. Mais ce son-là, c'est un de mes morceaux préférés de son dernier album. I'm not lame. Whenever you see me, it's only my people, cause these niggas not gang. You know that I'm evil, just give me a reason and you'll see them shots ring. Bang, bang, bang. God dang. Either you fucking, I ain't no discussion, cause little bitch, I'm not lame. Whenever you see me, it's only my people, cause these niggas not gang. You know that I'm evil, just give me a reason and you'll see them shots ring. Bang, bang. I spazz this shit. It ain't no joke, and I'm floating this hoe like Aladdin and shit. Just got a bag from a bad little bitch, and I'm crashing if they make me mad in this bitch. Heard a foot nigga would ask for me. Show them some shit they can actually see. Niggas be up in the car with their cap, and I'm blasting that bitch if you pass to me. I just got top from an ex bitch best friend, Destiny, knew she was dead wrong. I'll leave dead at white folks up my pocket, I feel like a headstone. We try to tell the dude to chill it real, he still got his head blown. Up in the trap, we be having them deals on pills, and still got the block sold. We the richest, I got extensions and switches. Don't give a fuck about who the hardest. Clutching the borders and ducking them charges, I'm hardest. Bitch know I'm thugging regardless. Ayy, shot a bit black, night now in the block. Them niggas really don't want it. Buzz down Cardi, diamonds and bitches. Hold us a buzz down party. God dang, either you fucking, I ain't no discussion. Cause little bitch, I'm not lame. Whenever you see me, it's only my people. Cause these niggas not gang. You know that I'm evil, just give me a reason and you'll see them shots ring. Bang, bang. Dang, either you fucking, I ain't no discussion, cause little bitch, I'm not lame. Whenever you see me, it's only my people, cause these niggas not gang. You know that I'm evil, just give give me a reason and you'll see them shots ring. Come take a walk with a killer. Send something to the spittle. Ain't going back and forth with a nigga. Big dog to pick it a litter. Raw walk, I ain't sipping no liquor. How could I feel him? Me and his life was too different. She shitting me to the gristle. Nobody showed me to get it. I'm one in the middle. But secrets, she treat me my niggas. Speak on my life as a dealer. Deal with directly who sent him. Don't fuck with no man in the middle. Cowards can't look at they self in the mirror. I drop a 20 and help you go visit the people you missing. Pistol that shoot out a missile. I'm trying dirt a nigga like the whiskey. I send a hit while I chill out in Brickle. Sit back and stalk me, I hop on my fister. Fuck all that tough shit you talking for Insta. It ain't no battle, I'm picking. Whoever want it can get it. Key to the defense is blitzing. Fuck running slimy, a rapper trying to kick it. These niggas' money be short as a triller. He lost his life for a bitch nigga tender. He was some hot shit to cool out that temple. Bitch nigga. God dang. Either you fucking, I ain't no discussion. Cause little bitch, I'm not lame. Whenever you see me, it's only my people. Cause these niggas not gang. You know that I'm evil, just give me a reason and you'll see them shots ring. Bang, bang. God dang. Fuckin', I ain't no discussion, cause little bitch, I'm not lame. Whenever you see me, it's only my people, cause these niggas not gang. You know that I'm evil, just give me a reason. You see. Ok, donc c'était OMD Bloodbath Not Gang. Et je vous incite, si vous le pouvez, à regarder, à vous procurer. Comment on fait d'ailleurs pour voir Ghost Song actuellement? Il est en VOD quelque part? Tu peux le voir en VOD sur, je pense, Univers Ciné et sur Tank aussi, tu peux le louer. Tank. On peut louer le film sur Tank, effectivement, voilà, pour 2 euros voilà. et se replonger dans. Alors, il y a un grésillement, j'espère que le grésillement n'est que pour nous. Mais c'est la vie, en fait. Ouais. C'est un long grésillement. En tout cas, j'espère que ce morceau vous aura donné envie de voir le film. Et est-ce que Le film, c'est vrai que le morceau n'est pas dans le film. Ouais. Et c'est plutôt la musique de Jimmy Woo. On entend un peu Bloodbath, mais plus en a cappella, rappé. La musique de Bloodbath, on n'a pas tant que ça finalement dans le film. Et elle en est où? Est-ce que tu as encore des nouvelles d'elle? J'ai pas trop de nouvelles, ça fait un moment que j'ai pas de nouvelles, on se parlait régulièrement et elle a eu des petits problèmes judiciaires à Houston, des choses qui s'étaient passées dans sa jeunesse, elle a une trentaine d'années, mais vers ses 20 ans, qui lui sont un peu retombées dessus, donc elle a un peu cette épée de Damoclès aussi, avec un passé un peu, c'est devenu une artiste qui fait que ça, qui gagne sa vie comme ça, mais des choses d'avant, une vie passée. La menace un peu en fait de voilà de je crois qu'elle a un procès en juillet, je vais pas rentrer dans les détails mais en tout cas j'ai un peu l'impression que la musique te permet d'accéder aussi à des mondes comme ça qui frôlent parfois avec une forme de, alors je sais pas quels sont les termes, hein, de marginalité ou de ces zones comme ça que le cinéma parfois ne fait qu'affleurer et ton cinéma à mon sens plonge vraiment dans ces zones là en les explorant, marginalité, qu'elle soit d'ailleurs de tout niveau, hein, dans l'extrême bourgeoisie américaine un peu flinguée ou les zones plutôt sombres de Houston, et il me semble que ton travail se situe dans cette zone-là et ce que tu es en train de faire actuellement sur tes peut-être sur ton histoire aussi personnelle à Pigalle, peut-être nous le démontrera aussi, mais on aura l'occasion d'en reparler peut-être. Autre rapport aussi, intimité, enfin intime, personnel avec des musiciens dont tu as choisi de passer des morceaux, c'est NSDOS. Alors moi, ça m'a rappelé plein de souvenirs, mais est-ce que tu peux peut-être toi en parler, quoi? Ça t'a rappelé quoi comme souvenir? Mais surtout des souvenirs d'écoute, enfin de découverte, parce que quand on parle de musique, on parle aussi de moments de sa vie. Enfin, c'est une évidence, mais quand même, je pense qu'on aime la musique aussi parce qu'elle nous accompagne très très simplement, et que lorsqu'on écoute des morceaux qui nous ont accompagnés, on a aussi envie de les partager, ce que tu fais aujourd'hui, puis de les réécouter, ça nous rappelle forcément des choses, quoi. Mais c'est exactement ce que tu dis, c'est lié à des moments de la vie, à des amitiés. NSDOS, pareil, c'était un ami, on faisait partie un peu d'un groupe de potes en commun, et là, ça fait pas mal d'années déjà, il est passé par Berlin, il est revenu à Paris, c'est un Parisien, enfin, je sais pas s'il est exactement Parisien, mais on est voisins, on se croise le matin à la boulangerie, du coup j'ai pensé à lui parce que j'aime beaucoup sa musique. En pyjama ou pas? Non, pas trop, assez habillé, assez overlooké. Dans le 9e, c'est parfait. Non, à Barbès. Donc voilà, je pense à lui parce que j'aime beaucoup sa musique. Et après, c'est quelqu'un qui crée des musiques avec plein d'objets, de formes particulières. Ça peut être avec des bruits de volcans qu'il enregistre. Il était très créatif. C'est des trucs assez... c'est très différent de ce que vous avez écouté jusqu'à maintenant. Bah, c'est le moment où on va passer un peu à des musiques un peu plus rythmées. Pas rythmées, justement. Rythmées, mais, ou arythmiques. Enfin, ouais, ouais. On va en parler après. Donc, NS2. Voilà, on était un peu surpris par la fin du morceau. Donc c'était Blackie. Alors Blackie, enfin là c'était Armand Hamel, mais avant c'était Blackie. Donc tu as un tout petit peu Blackie parlé. Blackie Hall Cap, ouais. Donc Blackie Hall Cap, pareil, toujours de Houston, mais pareil, quand je dis pareil, rien à voir en fait. C'est plutôt, c'est un artiste que j'ai rencontré un peu par hasard. J'étais dans un bar à Houston un soir et des mecs me disent, il faut absolument que tu écoutes Blackie Hall Cap. Là c'est vrai qu'on a un son, c'est difficile à trouver parce qu'il y a rien sur Spotify, mais ni sur d'autres. Voilà, on a ripé YouTube de façon assez. YouTube, donc on entend assez. Ouais, après, lui, c'est aussi un performer, donc c'est un peu de la mélange un peu du punk, rock, hip-hop. C'est assez particulier son son et. Très très indépendant aussi, c'est difficile de trouver ses, de le suivre. Même quand j'étais à Houston, j'avais du mal, c'était un peu un truc secret. Il fallait trouver où il faisait ses performances le soir. Quelqu'un te donnait une info comme ça, un peu de bouche à oreille, quoi. Et en concert, ça parle de performance, ça casse des chaises, des trucs. Enfin, c'est assez foufou. Faut regarder ses vidéos, elles sont marrantes à voir. Et donc ensuite, on a écouté Armand Hammer. Est-ce que tu peux en dire aussi quelques... Armand Hammer, c'est... Là, c'est un morceau du disque qui est sorti il n'y a pas longtemps. Oh, I'm gonna... We buy Diabetic Stripe. Et c'est de... Là, c'est, pour le coup, c'est plusieurs musiciens de la scène underground, mais de New York. Du hip-hop expérimental, plus. Où on mélange les sons. Ouais, c'est assez expérimental, c'est très différent de ce qu'on a mis au début. J'ai découvert un album il n'y a pas longtemps qui vient de sortir et je l'écoute très souvent. Alors, c'est autant de facettes de ton environnement musical assez personnel, mais aussi les musiques qui accompagnent ton travail et notamment tes films. Et là, on va faire une petite séquence consacrée à Jimmy Who. Alors, ceux et celles qui connaissent Ghost Song connaissent déjà... La ritournelle, puisque c'est Jimmy qui a fait la bande originale du film, qui a aussi un succès à part entière. C'est intéressant de le rappeler ou de le souligner, c'est que effectivement ton film a connu un succès aussi parce que la musique a été composée par Jimmy Woo. J'ai un souvenir d'une projection suivie d'un concert de cet artiste, et il y a beaucoup de gens qui étaient venus surtout pour le concert. C'est vrai. Et c'est un artiste que j'avoue avoir découvert avec ton film. Est-ce que tu peux évoquer un peu votre rencontre ? Et j'aime bien aussi cette façon dont vous avez travaillé, parce que tu m'avais raconté que tu lui avais soumis ou suggéré cette idée de composer la musique de ton film à partir de l'œuvre d'un compositeur japonais. Ouais, c'est vrai que j'avais d'abord, je connais Jimmy aussi depuis pas mal de temps. On parlait beaucoup de la musique de Houston ensemble avant que je fasse des films à Houston. Et il était venu voir un de mes films et il avait eu. Juste après, il m'avait dit bah, écoute, ça serait sympa qu'on bosse ensemble. Et du coup, j'ai tourné un film à Houston et en revenant, pour moi, c'était assez évident parce qu'il était cette musique qui s'inspire pas mal de la scène de Houston aussi et qui est une musique de balade en fait. C'est vraiment une musique de. On se balade, on peut écouter son sur l'autoroute aux États-Unis, à Houston, sur ces highways qui n'en finissent plus. Et Jimmy, ça s'est fait assez spontanément. D'abord, j'ai fait un montage avec la musique de Isao Tomita, que j'aime beaucoup. Et je lui avais demandé d'essayer de s'inspirer de ça sans vraiment reproduire la même chose. Et pour moi, c'était impossible parce que c'était une musique que j'avais mise qui me plaisait beaucoup avec la scène que j'avais construite au montage. Et finalement, il a trouvé, en s'inspirant de ce son d'Isao Tomita, sa forme à lui, sa vibe, disons, et il a fait un truc que j'aime, que je pense que qui marche vraiment très très bien pour cette scène-là. Et comment a-t-il travaillé ? Alors, on va pas écouter des morceaux issus de la bande originale du film, que j'incite tout le monde à aller écouter, mais pour cette collaboration, comment a-t-il fait ? Il voyait les scènes au fur et à mesure, ou tu lui envoyais le film et il a composé à partir de son ressenti aussi, de tes consignes ? Et alors, c'était très artisanal. On n'a pas du tout fait comme dans un studio de bande-son, disons, ou de musique pour cinéma. Le film déroulait un peu en boucle dans un arrière-fond. Et lui, il s'inspirait un peu de ça, mais sans être vraiment précis. Et du coup, on a passé vraiment deux soirées seulement ensemble. Et il a tout de suite saisi un peu l'énergie quoi de ce qui se passait à l'image et j'ai pas eu grand chose à lui dire finalement. Jimmy Who avec deux morceaux qui sont vraiment très très différents et qui sont aussi très différents d'ailleurs de la BO de Ghost Song. sont vraiment des morceaux instrumentaux très propices à la rêverie. Et là, il y a un côté assez soul, assez étrangement. Et je crois que Jimmy vient de sortir un single, j'ai cru voir ça. En tout cas, sa carrière se poursuit et j'incite tout le monde qui découvrirait cette musique-là à ne pas hésiter à se précipiter sur les concerts et sur toutes les sorties à venir. Il y a aussi Bonnie Banane, je précise. Ah oui. Dans la dernière, c'est un featuring avec Bonnie Banane, que j'aime beaucoup aussi comme artiste. Un featuring de un peu de luxe. De luxe. Ouais. Qui propulse aussi Jimmy sur d'autres stratosphères très pop françaises aussi. Alors, leur tourne et on va finir peu à peu quoi, par ton tropisme italien, ouais. Avec deux morceaux dont tu vas nous parler un tout petit peu, très ensoleillé, assez éloigné de tout ce qu'on a passé aujourd'hui. Très Houston, très codéine, très les ouais, entre là urbain, là c'est un peu le soleil quoi. Ouais, c'est le soleil, c'est surtout ces deux films que j'ai vus. Alors il y en a un qui s'appelle King Crab, le roi crabe, la légende du roi crabe en français. Et pareil, je m'en excuse, mais c'est vrai que c'est beaucoup des amis là, des choses qui m'ont assez intime. Et c'est une musique qu'a composée Vittorio Giampietro. Et il est allé chercher dans de la folk italienne, je crois, Toscane, à la fin du 18e siècle, début 19e. Et il s'est inspiré un peu de ces sons qu'il a retrouvés. Enfin, en tout cas, ses influences pour créer la musique du film. Et il a fait chanter une des comédiennes qui n'était pas chanteuse. Et j'aime beaucoup cette musique. Et donc le deuxième morceau, parce qu'après on se dira au revoir. Ouais. Et le deuxième morceau, c'est Non ci voglio sta. Ça vient d'un film qui s'appelle La Banda del Gobbo. C'est un film qui parle de la... qui est un film des années 70, un peu splatcher, qui parle d'une bande qui est gérée par un mec bossu, qui a un jumeau qui n'est pas bossu. Et c'est un film que j'adore, vraiment. C'est un des premiers flashs de ce genre de film années 70 italien, un peu grotesque, un peu guignolesque, mais qui est assez génial finalement dans sa construction narrative. Et c'est une des musiques qui m'avait marqué du film. Alors je pense qu'on n'aura pas trop le temps de parler après. Je préfère qu'on se dise au revoir tout de suite parce que sinon ça va être un peu frustrant. La plupart des morceaux qu'on a écoutés aujourd'hui ensemble, On va les retrouver sur le replay. Sinon, il y a sur Spotify Atelier Peduzzi. Vous pourrez trouver peut-être la playlist. En tout cas, quelques-uns des morceaux qu'on a choisi de vous montrer, enfin, que tu as choisi de nous présenter ce soir. Et peut-être pour se dire vraiment au revoir. Alors, ton film sort dans quelques semaines. Tu viens d'en parler. Le film, il est présent sur Arte, donc le film est à la limite. Un mot extrêmement rapide, parce que je suis très, très frustré d'avoir oublié de mettre le morceau de Paul Seul dans la playlist de cette émission. Mais, Paul Seul et Evil Grimace. Qui était un morceau génial, mais que je vous incite à aller écouter par vous-même. Et le film est à la limite commence par un morceau comme ça du collectif Casual Gabber, et c'est toute une histoire aussi un peu commune qu'on a réussi à tisser et qui je trouve est au diapason de l'histoire que tu as voulu raconter, quoi. C'est-à-dire la souffrance à la fois de l'hôpital, les états d'âme aussi d'un jeune psychiatre en proie avec le fonctionnement très assez vorace de cette institution. Ouais, c'est ça. C'est la première musique que j'avais mise, c'était une musique de Evil Grimace pour mes gens. Et c'est un truc qui ça mélange du booba. Et, non, c'est pas du booba, c'est NTM et la techno hardcore. Ça frappe. Bon, allez voir le film de Nicolas, Et à la limite sur Arte. Paul Seul, vous arrivez. Toute la possibilité d'aller l'écouter par vous-même. Et donc, on finit par cette séquence italienne en remerciant beaucoup Nicolas d'être venu aujourd'hui à la Générale pour cette émission, en remerciant Marc, fan de jazz, d'être avec nous pour la technique. Et puis, cette émission est rediffusée, comme on disait il y a 25 ans, demain dimanche sur Pinot, donc ou aujourd'hui si vous l'écoutez en replay. Et ben, ciao, à bientôt. Ciao. C'era una bella, la bocca rossa, gli è giù dal monte, fino al paese, quando de notte. me. Amore, amore, canta col cuore, pure si sta lontana, ritorna sempre a casa, il vero amore. フリークアンダーラインシーンウネプラポジションで BHCK UN デマンチサードで 18H3020H30-node.org L1 重音養父ヒストリーでラミュージックク1重音養父エルソイトポップ OU プラス等重レストコンポージー D1 重音養父ネーガレリーでパースネッチズパーファズエトレインジズクイエヌ1重音養父オント PAS ブールジャワール重ILS OUEU オントリジストオントパーファズディスパルでレーダーズメッシュオントプロダイトオネオウブルクイチジュインヨーフ ILS とテンプスでリデコーブリルフリークアンダーラインシーンアウブルレスタイロアーズ ETS E ペンチサーセズアーティストセズラベルズセズコミュノーツ EN フェイザントーネラージパート AL 一重陰陽フイカアウトアベクでインバイト ES デレアタスクイパーメットロントでコルマタレスクラスリボールフリークアンダーラインシーンウネプラポジションで BHCKUN デマンチサードで 18H3020H30-node.org L1 重音養父ヒストリーでラミュージックク1重音養父エルソイトポップ OU プラス等重レストコンポージー D1 重音養父ネーガレリーでパースネッチズパーファズエトレインジズクイエヌ1重音養父オント PAS ブールジャワール重ILS OUEU オントリジストオントパーファズディスパルでレーダーズメッシュオントプロダイトオネオウブルクイチジュインヨーフ ILS とテンプスでリデコーブリルフリークアンダーラインシーンアウブルレスタイロアーズ ETS E ペンチサーセズアーティストセズラベルズセズコミュノーツ EN フェイザントーネラージパート AL 一重陰陽フイカアウトアベクでインバイト ES デレアタスクイパーメットロントでコルマタレスクラスリウォールオブフェイ マシャセーサーションシャシ ーパティフィルティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティ